de la vie. Donc, Palais des Clins, c'est la femme et peau de bite. C'est qui peau de bite? C'est l'homme. Donc voilà, alors moi je me suis dit que j'allais vous raconter ce que fait une bite d'un écrin, puis ce que fait l'écrin d'une peau un peu trop grasse. Pain, pain. On coupe les jasmes. Pain perdu dans la forêt noire, je vivais un cauchemar. Poursuivi par des pommes paysannes, pédonones et autres religieuses. Harcelé de tous côtés par ces lettres créatures, mon seul remède c'était la triste biture. La triste biture, attitude. La triste biture, attitude. Pain perdu dans la forêt noire, diplomate bavarois au flair fin qui bivac soudain. À la croisée des chemins, je devins papa. À la croisée des chemins, j'humais la fumée d'un délicieux fumet. Pélélème est belle. Pélélème est belle. Sur le champ, j'enfilais mes petons dans mes chaussons aux pommes d'api. Tapis dans ma tanière, j'en sortis et sprintais tellement tout essoufflé, j'atteignis un verger vert. Son vierge verger. Et vers lui, j'eus envie d'y pointer ma verge si elle me donne le feu vert. Pélélème, son feu vert. Pélélème, son feu vert. Alors j'arrague. Tes airs me donnent des ailes, tes nectarines m'appellent. Envie de dénoyauter ma reine que toute tente de mes dents acérées te fendre et sentir le noyau bouger. Pélélème, je t'aime. Pélélème, je t'aime. Telle Proust goûterait dans un bain-marie, mamie, ma Charlotte aux fraises, ton absence me pèse. Je voudrais sentir tes baisses comme une bise légère, ça fera frémir mes mille feuilles et mon cœur à la crème battra la chamade. Je suis mad de toi. Pélélème, je t'aime. Pélélème, je t'aime. T'occuperas-tu de ma cuisine intime, petite Caline? Car je l'ai vomi, ces pommes paysannes, paix de nonnes et autres religieuses. C'est mes germes ménagères pourries de moi en moi par les petits choix de leurs émois. Alors si tu me le permets, je préfère toi, ma marquise au chocolat, mon île flottante à moi. Pélélème, est-ce que tu m'aimes? Pélélème, est-ce que tu m'aimes? Elle me répondit stoïque. Je ne serai jamais ta pauvre petit chou, je te connais. Tu donnes des prunes, des châtaignes, des marrons et même des pêches à tes chéris. T'es un vrai poison, je veux pas être réduite en purée ni en bouillie par tes drôles de guili-guili. Ça, c'est ta femme alors. Pélélème, je l'aime encore. Pélélème, je l'aime plus fort. Alors je me laisse pas démonter, je persévère pour que je suis en pleine lancée. Je dégusterai tes mandarines et tremperai ma grosse madeleine dans ta chaude chocolat. Oh là là, je ne te dis que ça. Pélélème, c'est toi que j'aime. Pélélème, c'est toi que j'aime. Et là, ce râteau se répéta. Ce sera pas toi, mon cum, t'es trop collant, coco. Jamais je voudrais ta chipolata en moi, alors lâche-moi la grappe et la décarpille. Pélélème, reviens ici. Pélélème, reviens tout de suite. Devant le refus éternel de ma belle Hélène, j'essuie ma déconfiture de ma glaine, toute déconfite, je périclite. Parce que je ne voulais qu'elle. Pélélème, il y a qu'elle que j'aime. Pélélème, il y a qu'elle que j'aime. Je rangeais mon asperge dans son écrin de chagrin, le visage laminé de larmes par ce blackboulage. Manque ma lettre et malheur, c'était mon humeur. Manque ma lettre et malheur, c'était ma tumeur. Je ne voulais qu'elle. Pélélème, rien que. Restait plus qu'à retrouver cette pomme paysanne, paix de nonnes et autres religieuses. Mourir un petit rouge et noyer mon cœur dans les vapeurs de l'île. cœur. C'est la triste biture attitude, la triste biture attitude, c'est la triste peau de bite balayée par mon écran. Féminine. Bon, je vais avoir besoin que de ça. T'as besoin du texte? Alors, Claudio, don d'organes ce soir, la moitié de don d'organes effusifs, c'est un petit collectif de ça. Petit featuring Alice X. Mesdames et messieurs, bonjour, la SMRI, la Société du Réseau Métrosexuel Intergénérationnel, vous souhaite la bienvenue dans ces wagons luxueux. Veuillez attacher vos bandages bien serrés et lire attentivement les instructions de sécurité qui se trouvent juste vraiment à l'intérieur de mon sac. Attention à ne pas vous tromper. Non. Une version s'adresse au gentilhomme. Alors, Fred va faire la distribution. Ouais, c'est un peu. Je voulais pas. Bon. Dans quelques instants, nous allons décoller. Destination le pays renversé. Ne vous endormez surtout pas, car à minuit poil, nous traverserons les fugaces paysages arc-en-ciel du triangle du 7e ciel, région qui se situe juste en dessous du célèbre triangle de Bermuda. Enfin arrivé. Nous, grands explorateurs, atterrissons en pleine tropique sur une île sauvage et mystérieuse. Une terra incognita. Un seul vierge a défloré de nos pieds. À peine arrivés à l'aérogare, après avoir récupéré nos bagages, nous ouïssons au lointain de nos oreilles un rythme tribal, étrange et envoûtant. Slam, slam, slam, slam, X. Slam, slam, slam, slam, X. Slam, slam, slam, slam, X. Une naïade drag queen nous accueille chaleureusement. Bienvenue dans l'empire du puissant et bienveillant sur Drag King. Premier du. Faites comme chez vous, ici et rien qu'ici, devenez ce que vous avez toujours voulu être. Mais en attendant, restaurez-vous à l'envie. Les cuisiniers de ce Red King, premier du monde, ont concocté un fabuleux festin de gastronomie et de la merde. En apéritif, vous dégusterez des toasts garnis de pont gluant. En entrée, des veloutés de travestis en vinaigrette. Comme plat de résistance, des jarrets de gigolos joyeux sur leur lit en ratatouille de travailleuses du sexe, vaillantes et sans complexe. En dessert, vous dégusterez notre salade de fruits féministes et phalliques. Le tout arrosé de cocktails de sécrétion frappés à boire avec modération au risque d'attraper le pernis du pelvis. Le reste, vous le découvrirez en désormant votre voyage auprès de SMRI, la société du réseau métrosexuel intergénérationnel, la société faite pour vous. C'est dur. Et s'il n'y a pas de... Et s'il n'y a pas de shop SMRI bien près de chez vous, il y aura bien une boutique Nepomuk ou un automatique Slam X fait pour vous servir sans que vous... Ok. Alors on fait quoi maintenant? Les musiciens, ils sont de retour. C'est moi. Non, c'est pas moi. Alors, je voudrais que vous applaudissiez un petit peu Claudio. Allez, un petit peu là. Merci. Moi, je suis pas l'animateur, mais en fait, je voudrais juste appeler quelqu'un qui est muni de rouge et qui a des chaussettes, non, pas rouge. En tout cas, une chemise rouge et une casquette rouge. Et il s'appelle simplement, de son prénom, vous le savez tous, il est au cœur de la secousse. Ce soir, c'est, pas dans le noir, mais à la lumière, Aziz. On l'applaudit très fort. Voilà. Merci. Donc ce sont des déclamations de texte à HLG. Le premier texte, je vais parler de Bruxelles, que j'ai appelé terre d'accueil. Étant donné que je ne suis pas un étranger, Bruxelles, c'est ma ville. Je m'excuse, je me dis que je ne suis pas étranger. Mais je suis quand même pas un étranger. We are tous immigrants maghrébins. Deuxième texte, un peu de glamour. Glamour. Le troisième texte est une lettre. Terre d'accueil. Je n'étais pas plus haut que 30 ans. Alors, Donc, je n'étais pas plus frappant lorsque je suis arrivé à Bruxelles, sur le pont de la gare du Midi. Le temps était gris. Bruxelles est d'accueil. Bruxelles est un ami. Bruxelles m'a. Le premier jour de l'école, je n'ai pas compris le professeur. Il parlait français à langage étranger et qui fut vite le mien. J'ai compris que je n'étais plus dans mon pays, mais ici, à Bruxelles, où je suis un étranger, dans un nouveau monde, avec son temps et sa culture, différents des mots. Thank you. Tu n'es qu'un monde qui longtemps fut mis en cage.